mabesh na tijou Le mette pridam la maman On kawa kote ma pepye Ye we so atome Rat na mante vwen na pye Wete mante ya maman On kawa domi soa Ye we so atome Rat na mante vwen na pye Wete mante ya maman On kawa domi soa Comme ça, beauté, pour beauté, pour beauté. Oui. Thank you. bonga bata. Raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton. Oui, t'es matéa, t'es malé. Bonga bata, mi maman. Oui, maman. Baba dormi raton avant son mais dormi dans vie caille planche et job bon même.